il est désormais établi qu'au début du XXe siècle, notre monde fut observé de près par des intelligences supérieures aux intelligences humaines, et cependant mortelles comme elles. De même, nous savons désormais que, tandis qu'ils étaient absorbés par leurs occupations, les hommes étaient examinés et étudiés d'aussi étroitement peut-être qu'un savant peut examiner et étudier au microscope les créatures éphémères qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci de là par le monde, vaquant à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire, sur ce petit morceau de matière hérité du fond des âges et de l'espace. Personne ne se représentait la planète Mars comme une source de danger pour l'existence terrestre. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus, les habitants de la planète Terre s'imaginaient qu'il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire. Cependant, les esprits qui sont à nos esprits ce que les nôtres sont à ceux des bêtes de la jungle, de vastes intellects calmes et impitoyables, considéraient notre terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leurs plans pour la conquête de notre monde. Et dans les dernières années du deuxième millénaire, vint la grande désillusion. Pour les prochaines 24 heures, température stationnaire, une légère perturbation atmosphérique d'origine indéterminée est signalée au-dessus de la Nouvelle-Écosse, causant une zone de dépression se déplaçant assez rapidement sur le nord-est des États-Unis, entraînant un risque de pluie accompagné de vents forts à modérés. Température maximale 18 degrés, température minimale 8 degrés. Ce bulletin vous était présenté par la Météorologie nationale. Et bien maintenant, place au divertissement sur CBS New York avec l'émission Votre Concert qui est exceptionnellement donnée en duplex et en direct de l'hôtel Crillon à Paris où nous rejoignons immédiatement notre charmante Elisabeth Carpenter, notre charmante correspondante à la voix si mélodieuse. Oui. Bon, ah, vous êtes déjà là. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Franck. Comment bonsoir. Allez-vous? Très bien, et vous? Il est quelle heure à Paris, là? 20h à peu près, non? Écoutez, oui, il est 20h et des poussières, tout à fait, tout à fait. Vous allez bien? Eh bien, très bien, très bien. Et vous, alors, à Paris, vous en profitez? Écoutez, c'est merveilleux. Je me trouve actuellement dans le très prestigieux Hôtel Crillon. Ici, c'est l'effervescence. Les invités finissent de s'installer dans ce lieu historique datant du XVIIIe siècle. Mm-hmm. C'est l'un des plus anciens hôtels du monde. Voilà, il est situé au pied des Champs-Élysées. C'est absolument magnifique. Nous avons une vue imprenable sur la place de la Concorde qui brille de tous ses feux. C'est magique. Le rêve. C'est tout à fait le rêve. De nombreuses personnalités sont au rendez-vous pour cette soirée caritative organisée par l'OPLP. L'OPLP, vous pouvez préciser? Alors oui, l'OPLP, donc il s'agit d'un organisme indépendant. Bonsoir. Qui œuvre pour la paix et l'insertion des victimes de guerre. Oh, très bien. Voilà. Ah, j'aperçois Maurice Chevalier qui vient d'arriver, affublé de sa canne et d'un nœud papillon. Et est-ce qu'il a son canotier? Eh oui, évidemment, évidemment, il a évidemment son canotier. Et je viens de voir Miss Tinguette à l'instant. Ouh, là, et oui, ça elle vient doit d'arriver. Faire bien longtemps qu'ils se sont pas vus ces deux-là. Ah, je pense, ils sont à l'opposé. Ah bah, vous m'étonnez. Alors le programme de ce soir. Oui, alors le programme, Elisabeth, allez-y. Alors le programme de ce soir nous réserve plein de surprises. Le quatuor Ellipse ouvrira cette soirée avec le tango numéro 2 du compositeur espagnol Isaac Albéniz. Mmh. Savez-vous à quel âge Albéniz a donné son premier concert, Franck? Alors là, vous me posez une colle. 10 ans? Et non, 4 ans, Franck. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Très, très précoce. Ah! Comme vous pouvez l'entendre, les musiciens s'accordent. Le concert va bientôt commencer. Le tango numéro 2 d'Albéniz, c'est maintenant en direct de l'Hôtel Crillon à Paris. Nous écoutons. À tout à l'heure, Franck. Quelle chaleur. Quelle bonne musique, Elisabeth. Ah oui, avec ses tonalités espagnoles. L'atmosphère est complètement méditerranéenne. Vous entendez les applaudissements, ils sont absolument chaleureux. Je m'imaginais danser avec vous. Ah, écoutez, dès que je rentre à New York, Franck. Et écoutez, j'aperçois dans la salle Charles Boyer, qui vient d'arriver avec quelques minutes de retard. Charles Boyer, ah oui, il vient sûrement assurer la promotion du dernier et merveilleux film de Léo McCarey dans lequel il joue aux côtés d'Irenden, Love Affair. Ah, sans doute. Vous l'avez pas vu? Non, pas encore, mais j'ai hâte de voir le film. Je vous le conseille. Oh, Elisabeth, oui, je profite, excusez-moi, de cette petite pause pour vous lire un communiqué qu'on vient de m'apporter des nouvelles radios intercontinentales. À 7h40, je lis le communiqué, heure locale, le professeur Farrell de l'Observatoire de Mount Jennings de Chicago dans l'Illinois signale avoir observé plusieurs explosions de gaz incandescents survenant à intervalles réguliers sur la planète Mars. Le gaz se déplacerait en direction de la Terre à une vitesse considérable. Le professeur, donc Farrell, décrit le phénomène, je cite, « comme un jet de flamme bleue provenant d'un canon ». Fin de citation. Bon, tout cela reste bien mystérieux, faut en convenir. Bon, en attendant des précisions sur ce phénomène extrêmement rare qui, semble-t-il, se déroule sur la planète Mars, nous vous retrouvons, Elisabeth, à l'hôtel Crillon à Paris. Oui. Et alors, on en est où, Elisabeth? Alors, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, maintenant, le quatuor Ellipse va jouer un morceau du compositeur Claude Debussy. Ah oui, un compositeur français, je crois. Un français, oui, tout à fait, et grand admirateur d'Isaac Albéniz. D'ailleurs, ils ont eu le même professeur de musique, hein, monsieur Marmontel. Mais ça n'a pas duré très longtemps car Albéniz a été rapidement exclu du cours car c'était un élève, paraît-il, très dissipé. Oh. Et oui, et à présent, place à Debussy. Nous allons écouter Goldberg's Catwalk depuis l'Hôtel Crillon à Paris. Elisabeth, j'adore votre accent. Moi aussi, je vous adore, Franck. Désolée, Elisabeth, désolée, chères auditrices et chers auditeurs mélomanes de CBS New York, mais priorité au direct qui impose sa loi. Suite aux informations que nous vous avons données dans notre dernier bulletin, la météorologie nationale a demandé aux grands observatoires du pays de diriger leurs lunettes astronomiques sur toute perturbation qui pourrait être observée sur la planète Mars. Compte tenu du caractère inhabituel des événements, l'éminent astronome, le professeur Pearson, a bien voulu nous accorder une interview exclusive pour CBS afin de nous donner son point de vue sur la question. Donc, dans quelques minutes, nous nous rendrons à l'observatoire de Princeton à Princeton, dans le New Jersey. Voilà pour les dernières nouvelles. Mais où en est-on, chère Elisabeth, à l'hôtel Crillon à Paris? Écoutez, le morceau est sur le point de s'achever. L'âme de Debussy plane sur la salle. C'était Goldberg's Catwalk de Debussy. Le public est absolument conquis, comme vous pouvez l'entendre. Ouais, il règne vraiment une formidable écoute dans la salle. La musique est vraiment une matière vivante. Quel charme, quelle émotion. Ah oui, quelle émotion, quelle émotion. Mais on me signale, excusez-moi encore Elisabeth, que notre correspondante sur le terrain, Carla Phillips, est arrivée à l'observatoire de Princeton pour l'interview exclusive du célèbre professeur Pearson. Ah bah écoutez, saluez Carla de ma part. Je n'y manquerai pas. Merci Elisabeth. À vous Princeton, New Jersey. Carla, vous êtes là? Oui, ah, Franck. Carla, oui, bah, je suis en duplex avec Elisabeth actuellement à l'hôtel Crillon à Paris, qui vous passe le bonjour. Eh bien, vous la saluerez de ma part et qu'elle profite bien des petits fours. Je crois qu'elle ne s'en prive pas. Bon, Elisabeth, merci, à tout à l'heure. Alors Carla, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait, merci Franck. Où êtes-vous exactement? Écoutez, chers auditeurs, Franck, je vous parle depuis l'observatoire de Princeton. Mmh. Voilà, je me trouve actuellement dans une grande salle semi-circulaire, totalement obscure, mise à part la mince fente du dôme à travers laquelle j'aperçois un ciel joliment étoilé. Voilà, vous entendez peut-être derrière moi le mécanisme de l'immense télescope. Oui, en effet. Oui. Alors, je suis en compagnie du professeur Pearson qui se trouve actuellement au-dessus de moi. Il est juché sur une grande nacelle. Il est en train de scruter le ciel à travers une lentille géante. Voilà, je monte le rejoindre pour commencer l'interview. Allez-y, on vous accompagne. Voilà, quelques barreaux. Oui, c'est ça qu'on entend, oui, d'accord. D'accord, bah, vous cassez pas la figure. Oh, comptez sur moi, j'ai des bonnes chaussures. Très bien. Voilà, j'y suis. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, pour commencer, pouvez-vous, s'il vous plaît, confier à nos auditeurs ce que vous observez exactement de la planète Mars à travers votre télescope? L'Amérique vous écoute, professeur Pearson. Non, rien d'inhabituel. Un disque rouge nageant dans une mer bleue, si j'ose m'exprimer de la sorte. Disque strié de bandes transversales assez distinctes à l'heure actuelle, car Mars se trouve en ce moment à son point le plus proche de la Terre, en opposition, comme nous disons dans notre jargon. En opposition, que veut-il dire? En opposition, comment ça? Eh bien, l'opposition de Mars est tout simplement l'instant où sa longitude géocentrique, comptée sur l'écliptique de la date, est à l'opposé de la longitude géocentrique du Soleil. Est-ce que vous pouvez demander au professeur Pearson s'il croit à la possibilité d'une existence extraterrestre aux Martiens, par exemple? Donc, selon vous, en tant que scientifique, une intelligence vivante comme nous la connaissons pourrait exister sur Mars? Non. Non, la probabilité est extrêmement faible, de l'ordre de 1 sur 1 million. Ah oui, très bien, donc c'est possible. Et comment expliquez-vous que des éruptions de gaz aient pu survenir à intervalles réguliers à la surface de la planète? Je ne l'explique pas, mais en tout état de cause, et avec tout le respect que j'éprouve pour mon collègue le professeur Farrell, il me semble parfaitement grotesque de parler de tir de canon, pas? Bien, nous avons entendu. C'est clair. Pour satisfaire la curiosité de nos auditeurs, peut-on préciser quelle est la distance qui nous sépare de la planète Mars? 64 millions de kilomètres environ. Carla, est-ce que vous pouvez demander au professeur Pearson le temps qu'il faudrait à des créatures extraterrestres partant de Mars, donc, pour rejoindre la Terre? Un instant, Franck. On vient tout juste d'apporter un message au professeur. Écoutez, tandis qu'il en prend connaissance, laissez-moi vous rappeler que nous sommes en direct depuis l'observatoire de Princeton, New Jersey, de nous interrogeons le célèbre astronome, le professeur Pearson. Un instant, je vous prie, le professeur nous communique le message qu'on vient de lui remettre. Je peux donner lecture de ce message à nos auditeurs, professeur? C'est pour ça que je vous le tends. On vous écoute. Alors, chers auditeurs, je vais vous lire un télégramme adressé au professeur Pearson par le docteur Gray du musée d'histoire naturelle de New York. 21h15, heure de l'Est. Le sismographe vient d'enregistrer une secousse de très grande amplitude dans votre secteur. Merci d'entreprendre des recherches. Lord Gray, chef du département d'astronomie. Et y aurait-il un rapport entre cette secousse et ce qui se passe actuellement sur Mars? Professeur Pearson, on me demande. Cette importante secousse sismique à seulement quelques kilomètres de nous a un rapport avec les perturbations observées sur la planète Mars? Écoutez, mademoiselle Phillips, maîtrisez, si vous le pouvez, la tentation du sensationnel, n'est-ce pas? Il s'agit vraisemblablement, tout simplement, d'une météorite, d'une taille un peu inhabituelle, il est vrai, voilà. Le fait que sa chute sur Terre survienne à ce moment précis n'est certainement rien d'autre qu'une pure et simple coïncidence, voilà. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Professeur, Franck, le professeur Pearson se met en route pour se rendre au point d'impact de la météorite. Voilà, nous faisons au plus vite, je vous recontacte dès notre arrivée sur les lieux. C'était Carla Phillips au micro. Franck, Elisabeth, je vous rends l'antenne. Professeur, attendez-moi. Elle court. Eh bien, merci Carla. Eh bien, dans l'attente d'informations plus précises de notre envoyé spécial Carla Phillips, qui est donc en ce moment même en train de se rendre sur les lieux d'impact, ce qui semble être une météorite, nous retrouvons Elisabeth à l'hôtel Crillon. Elisabeth? Bonsoir. Elisabeth ? Oui ? Ah, vous êtes là, oui. Oui, bonsoir. Oui, Franck, pardon. Je suis là. Je ne suis pas sur Mars. Non. Je suis toujours en France, à Paris. Écoutez, en attendant le prochain morceau, je peux vous dire que cette soirée caritative est un réel succès. Tout le monde semble absolument ravi. Et j'aperçois mon homologue française de l'ORTF, Anne Montaro, à qui je vais me permettre de poser quelques petites questions. Oui. Bonsoir Anne, vous êtes en direct sur CBS. Que pensez-vous du rapport des Français avec la musique classique ? Vaste sujet. Je pense que la musique classique intéresse beaucoup de générations. Peut-être un tout petit peu moins les très jeunes. Il faut leur poser la question. Est-ce qu'ils écoutent de la musique classique ? Mais en tout cas, je crois qu'elle peut intéresser beaucoup de gens. Ça dépend de ce qu'on appelle par musique classique. Et demandez-lui, alors, les musiciens ont joué, par exemple, du Albéniz. Est-ce que c'était de la musique classique ? Est-ce que c'était de la musique traditionnelle ? Merci, Anne. Et excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que pensez-vous de notre président Roosevelt ? Que pensez-vous, Anne, de notre président Roosevelt? Je pense qu'il n'a pas eu la tâche facile, voyez-vous. Oui, oui. Anne, merci, désolé de vous interrompre. Merci beaucoup, mais très aimable. Évidemment, le concert continue. C'est le menuet du Quatuor Köchel 575 de Mozart qui commence. C'est maintenant sur CBS pour vous, chers auditeurs. Nous sommes tout oui. À tout à l'heure, Franck. Donc, Franck Turtle de CBS New York, nous rejoignons en duplex et en live notre correspondante Carla Phillips, qui devrait être arrivée en compagnie du professeur Pearson sur le lieu d'impact. Carla, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes arrivée ? Franck, je ne sais pas si vous me recevez. Si, je vous reçois très bien. Ah, nous vous recevons très bien. Oui, allez, où êtes-vous là, alors ? Alors, écoutez, chers auditeurs, Franck, je suis en compagnie du professeur Pearson. Nous très sommes bien. En direct de Grover's Mill. En train de traverser une forêt très dense et assez sombre, nous avançons péniblement vers l'endroit où la chose se serait écrasée. Voilà, nous ne devrions plus être très loin maintenant. Nous sommes les tout premiers sur place. La police doit être en chemin. Peut-être qu'elle peine à arriver. Il faut dire que le terrain est difficile d'accès. Mmh. Voilà, devant moi, le professeur enjambe un tronc d'arbre. Merci, professeur. Voilà. Écoutez, oula, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Tout va bien, tout va bien. Le professeur s'était fait attraper par des ronces. Écoutez, je le suis à tâtons, nous n'y voyons presque rien. Autour de nous, les arbres semblent très hauts. Ah, voilà, la lumière de fin du jour peine à percer, il règne un calme étrange. Je ne sais pas si vous le percevez. Nous continuons à avancer péniblement. L'air est frais, il y a une forte odeur de terre battue, de bois coupé. Ah, le professeur me fait signe, oui. Oui, en effet, ça y est, on y est presque, ça doit être ça. Là, un peu plus loin devant nous, à travers les arbres, nous apercevons la chose, à moitié enterrée dans un vaste cratère. Ça a dû tomber avec une force terrible, le sol est couvert d'écorce et au-dessus, le ciel semble tout dégagé. Oui, ça a dû aplatir tous les arbres qui se trouvaient là, debout, il y a encore moins d'une heure. Ce que je peux vous dire, Franck, de l'objet lui-même, ça ne ressemble pas vraiment à une météorite. Ah, ce n'est pas une météorite, d'accord. Non, du moins, celle que j'ai déjà pu voir, non, ça ressemble plus à un immense cylindre. Soyez prudent, Carla, mais à quelle distance vous trouvez-vous de ce mystérieux objet cylindrique ? Écoutez, nous devons être encore à une centaine de mètres, je dirais, mais nous l'apercevons déjà entre les arbres. Ça a une taille considérable. Ça doit avoir un diamètre de... vous diriez combien, professeur Pearson ? Quoi ? Le diamètre du cylindre. Environ 30 mètres. Environ 30 mètres. Ah, quand même, oui. Oui. Vous êtes toujours seul ou des forces de sécurité vous ont rejoint? Non, nous sommes toujours seuls, le professeur Pearson et moi. Nous sommes les tout premiers arrivés, les tout premiers témoins de cet incroyable phénomène. Écoutez, de ce que j'en vois pour l'instant, la chose semble recouverte de... Je pense de métal. Je n'ai jamais rien vu de pareil. La couleur est une sorte de blanc jaunâtre. Professeur, continuez-vous à penser qu'il s'agit d'une météorite? Je ne sais pas quoi en penser, mademoiselle Phillips, mais ce matériau est indubitablement de provenance extraterrestre. Extraterrestre? Attendez, calmez-vous. Extraterrestre veut simplement dire qu'il ne provient pas de la Terre, pas qu'il y ait des petits hommes verts à l'intérieur. Ce qui est étonnant, voyez-vous, c'est que, en temps normal, le frottement avec l'atmosphère terrestre soumet les corps à une chaleur intense et provoque des phénomènes de fusion des matériaux, à tout le moins leur altération en surface. Mais cette chose, comme vous pouvez le constater, elle est parfaitement lisse. Carla Phillips, pour CBS. Oui, monsieur, vous avez écouté moi, qu'est-ce qui se passe? Sortez la mort, vous arrivez charognards. Carla. Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur? L'éclair vert a frappé le sol! Malheur aux habitants de la Terre! Carla! Vous habitez dans les... Aïe! Je pars! Ça, c'est à moi! Carla, dites-moi ce qui se passe! Je suis en direct, hein! Je suis en direct! Voilà, je m'adresse à tous les radios amateurs du monde! Je sais pourquoi les fréquences ont été brouillées! Il est tombé dans le trou! La lumière verte a perturbé la transmission atmosphérique, je répète! La lumière verte a perturbé la transmission atmosphérique! Passez en modulaire sur le canal d'urgence! Passez en modulaire sur le canal d'urgence! La résistance s'organise! Restez derrière vos postes! Éternuez! Vous allez maintenant, je prends le micro! Carla, vous avez pu récupérer le micro? Carla Phillips! Le retour à l'antenne! Il est parti! Comment allez-vous? Tout va bien, le professeur saigne un peu du nez, mais tout va bien. Oui, non mais tout va bien, très peu. Tout va bien. D'accord. Oh, tout va bien, excusez. Désolé pour... Prenez votre temps, pour, prenez votre respiration. Cette interruption, un peu. Il a disparu, cet individu. Il est parti, je sais pas où il est parti. Écoutez, vous venez d'entendre les réactions à chaud d'un témoin qui j'imagine, habite tout près de... Ouais. Voilà, du bois où la chose est tombée. Je vais essayer de... Un peu dérangé, semble-t-il. Oui, apparemment, tout va bien. Je vais essayer maintenant de traduire l'ambiance. Voilà, la toile de fond de cette scène surréaliste. Voilà, nous sommes à présent à une vingtaine de mètres seulement de l'objet. Il doit être brûlant, je vois de la fumée qui s'en échappe. Le professeur Pearson à côté de moi semble très concentré. Il est en train de prendre de nombreuses notes à l'aide d'un dictaphone dans un jargon scientifique qu'il m'est difficile à déchiffrer. Je ne sais pas si vous le percevez, mais il y a un bruit sourd qui vient de la chose, qui vient de l'intérieur même de l'objet. Écoutez. Très net. Vous l'entendez? J'entends une espèce de grondement sourd. Je vais approcher un peu le micro. Attendez. Voilà. Maintenant, je suis maintenant à une dizaine de mètres seulement de la chose. Vous devriez bien l'entendre. Je vous laisse écouter. Oui. Vous avez entendu? Oui, c'est très impressionnant. C'est excusez-moi, professeur. Professeur Pearson. Oui. Pourriez-vous nous dire ce que signifie ce vrombissement qui provient de l'intérieur de l'objet? Probablement la conséquence du refroidissement est égale des surfaces. C'est-à-dire? Un instant, quelque chose est en train de se produire. Ouais. Franck, chers auditeurs, je vous décris ce que je vois. Oui, l'extrémité de l'objet commence à s'ouvrir. Le sommet circulaire commence à tourner sur lui-même, comme une vis. La chose doit être creuse. Le sommet se détache. Oh, c'est incroyable, c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Attendez une seconde. Il y a quelqu'un qui se hisse à travers l'ouverture. Quelqu'un ou quelque chose. Je vois sortir du trou noir deux points, deux disques lumineux. C'est peut-être des yeux, c'est peut-être bien un visage, ça pourrait être... Oui. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui arrive de derrière, là, qui sort de l'ombre, ça gigote comme un serpent. Oh, c'est tout gris. Là, il y en a un autre. Là, il y en a encore un autre. Oh, Carla, un tentacule. Oh, j'arrive à voir toute la chose. C'est grand comme un ours. Non, c'est beaucoup plus grand qu'un ours. Et ça brille comme du cuir mouillé. Le visage, c'est monstrueux. Des yeux noirs qui se fixent comme ceux d'un serpent. Franck, je vois une bouche en forme de V qui laisse échapper une sorte de salive, une bouche sans lèvres. Le monstre ou la créature se déplace avec difficulté, on dirait presque qu'il souffre. La créature, elle est sans doute accablée par la pesanteur. Quoi? Oh là là, maintenant ça se dresse. La chose se dresse. C'est une expérience extraordinaire. Pardon, je trouve vraiment... Carla, mais je vous invite, Carla, à la plus extrême prudence. Vous êtes toujours en direct sur CBS New York, qui vous rend compte. Franck, j'espère que vous m'entendez. Incroyable, qui se passe depuis quelques heures. Franck, je vais vous donner chaque détail aussi longtemps que je... je pourrais faire aussi longtemps que je pourrais voir. Chers auditeurs, la police est enfin arrivée. Je vois des militaires, je vois des policiers. Nous ne sommes plus seuls à présent. Oui. Il y a également des ambulances qui arrivent. Quelques voitures, je dirais une dizaine de voitures qui arrivent à se frayer un chemin au milieu de toute cette végétation. Il fait totalement nuit à présent, mais leurs phares viennent d'éclairer la scène. Il y a également un hélicoptère qui vole au-dessus de nous. Je ne sais pas si vous l'entendez. Des forces... Des forces spéciales qui survolent le périmètre. D'autres journalistes sont également en train de nous rejoindre. Des radios et des chaînes de télé. Voilà. Une trentaine d'agents forment actuellement un cordon de protection autour du cratère. Je vois le capitaine qui discute avec quelqu'un. Je ne sais pas avec qui. Je pense que c'est avec le professeur. Oui, si, c'est bien lui. Voilà. Maintenant, ils se séparent. Le professeur circonscrit l'objet tout en l'examinant. Oui. Le capitaine et deux policiers l'approchent en tenant quelque chose dans leurs mains. Je ne sais pas ce que... Oui, je vois l'objet maintenant. C'est un mouchoir blanc attaché à un bâton, à un drapeau blanc. Si seulement ces créatures savent ce que ça signifie. Oui, évidemment. Attendez, Franck, il se passe quelque chose. Une sorte de forme bossue s'élève du cratère. Je vois un rayon de lumière, un jet de flamme. Oh, ça jaillit. Et ça, les agents là au premier rang, ça les touche à la tête. Ils prennent feu. Mon Dieu, ils prennent feu. C'est la forêt toute entière qui prend feu. Les arbres, les voitures, les réservoirs d'essence, les voitures. Tout se fait manger par les flammes. Ça explose. Ça devient une immense passée. Elles viennent par ici. Les flammes s'approchent. Elles arrivent. Carla, je ne vous entends plus. Carla, non, la régie me fait signe que nous avons des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, de liaison. Nous allons faire évidemment notre possible pour rétablir le contact. Vous restez évidemment à l'écoute, chères auditrices et chers auditeurs. Bon, pour ceux qui prennent l'antenne en cours... Il importe qu'ils sachent que nous vivons actuellement en direct sur CBS des heures tragiques. Il semblerait en effet que contre toute raison, nous soyons victimes au moins sur une partie de notre territoire d'une attaque extraterrestre. Oui. Un mystérieux mobile cylindrique volant d'où se sont extraits des créatures informes s'apparentant à des serpents d'une taille d'ours. C'est écrasé dans une clairière du côté de Grover's Mill, New Jersey. Et ces créatures ont révélé leurs intentions hostiles quand, à l'aide d'un rayon lumineux destructeur, elles ont décimé nos forces de sécurité qui tendaient pourtant un mouchoir blanc invitant à la paix. Et c'est depuis ce moment que nous avons perdu notre correspondante, enfin le contact avec notre correspondante Carla, qui, aux côtés du professeur Pearson, est certainement la première personne humaine à avoir vu de ses propres yeux une créature extraterrestre, un martien en l'occurrence. Mais, on me fait signe en régie que le contact est... Non. Malheureusement, non. Eh bien, patientons encore un peu et restons optimistes. Bon, les informations, en attendant, nous arrivent de tous côtés et elles ne sont pas rassurantes, non. Et même, elles nous confirment le pire. En effet, un message en provenance de Grover's Mill, où se trouvait il y a encore quelques minutes notre reporter Carla Phillips, nous apprend qu'au moins 40 personnes, dont 6 militaires, auraient trouvé la mort dans une clairière à l'est du village de Grover's Mill. Leur corps, totalement brûlé et déformé, précise-t-on, laisse peu d'espoir d'une identification. Non, nous ne sommes toujours pas en mesure de rétablir le contact avec Carla Phillips, mais je peux vous dire que les équipes techniques font leur maximum. Saluons d'ailleurs au passage l'efficacité et le courage de ces équipes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Nouvelle dépêche qui, je vous lis, tous les pompiers de la région de Mercer sont sur le pied de guerre pour lutter contre les flammes qui menacent la campagne tout entière. Mais on me signale à l'instant, oui, que nous avons pu rétablir la liaison, mais avec un témoin oculaire de la tragédie qui s'abat sur l'Amérique. Oui, le professeur Pearson a en effet été retrouvé dans une ferme à proximité de Grover's Mill. Professeur Pearson, ici Frank Turtle de... vous êtes en direct sur CBS New York, professeur. Vous nous entendez? Nous vous entendons très bien. J'entends pas. Professeur Pearson. Oui, professeur Pearson, je ici. Ah, je t'entends. Nous aussi, nous vous entendons parfaitement. Professeur, nous sommes vraiment heureux de vous savoir en vie, mais nous sommes très inquiets parce que nous n'avons pas de nouvelles de notre reporter Carla. En avez-vous votre côté? Non, je l'ai perdu dans cette confusion indescriptible. Patientons encore un peu. Pouvez-vous, professeur, nous éclairer sur ce qui est en train de se passer? Écoutez, nous sommes certainement dans le domaine de l'inconnu. Je ne puis donner aucune information sur ces créatures, ni sur leur nature, leur origine, ni sur leurs intentions ici sur Terre, qui semblent quand même assez belliqueuses. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Professeur, pouvez-vous nous donner des informations, des éclaircissements sur cette arme très meurtrière dont ils semblent disposer ? Je peux tout au plus risquer quelques hypothèses, quelques conjectures. Il est incontestable que ces créatures possèdent un savoir scientifique infiniment supérieur au nôtre. À défaut d'un terme meilleur, je dirais que c'est une sorte de rayon thermique, vous voyez. Un rayon thermique, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, je pense qu'ils sont capables de produire une intense chaleur dans une chambre non-conductivité pratiquement absolue pour ensuite projeter cette intense chaleur en un rayon parallèle terriblement chargé en énergie au moyen d'un miroir parabolique parlant. Parabolique, c'est-à-dire... C'est rond. Un miroir rond, à peu près comme le miroir parabolique d'un phare, vous voyez. Mais un phare de voiture quoi? Mais non, c'est une espèce abrutière. Un phare maritime. Je vous parle... Calmons-nous, professeur, calmons-nous. Cardone. Professeur? Professeur, qu'est-ce qui se passe? Ils ont à nouveau été interrompus en régie. Non, on me signale qu'on va essayer de rétablir avec le professeur Pearson également le contact. Mais je reçois une nouvelle dépêche que je vous... Excusez-moi pour ce silence, mais je viens d'apprendre le décès de Carla Phillips, notre fidèle et talentueuse reporter dont le corps carbonisé vient d'être identifié. Ah oui, c'est une nouvelle terrible, évidemment. Toutes nos pensées vont à ses proches. Carla était vraiment... Enfin, c'est sur le champ d'honneur de l'information qu'elle a donné sa vie au mépris du danger. Au nom de CBS, au nom de toutes les auditrices et de tous les auditeurs, merci Carla. Mais comme elle l'aurait souhaité, le direct doit reprendre ses droits. Et ce que nous sommes en train de vivre est inédit dans l'histoire de l'Amérique et je crois pouvoir le dire dans l'histoire du monde. Voici à présent un bulletin de la police d'État jonction de Princeton. Les incendies qui se sont déclarés à Grover's Mill et dans les environs sont maintenant maîtrisés. Les éclaireurs signalent que tout est calme à présent dans le cratère et qu'aucun signe de vie n'apparaît depuis l'ouverture du cratère. Chères auditrices, chers auditeurs, aussi incroyable que cela puisse paraître, aussi bien ce que nous avons vu de nos propres yeux que les observations de la science nous conduisent à l'inévitable hypothèse que ces créatures mystérieuses qui ont atterri cette nuit dans le New Jersey constituent l'avant-garde d'une armée d'envahisseurs venant de la planète Mars. La bataille qui a eu lieu ce soir à Grover's Mill s'est soldée par la plus fulgurante défaite jamais subie par aucune armée moderne. Sur les 7000 hommes armés de fusils et de mitrailleuses qui étaient opposés à un simple appareil de combat des envahisseurs de Mars, on ne dénombre, selon les derniers chiffres qui viennent de me parvenir, que 120 survivants. Le reste était éparpillé sur le champ de bataille de Grover's Mill à Plainsboro, mortellement aplati et piétiné par les pieds de métal du monstre, ou réduit en cendres par ses rayons thermiques. Le monstre contrôle maintenant la section moyenne du New Jersey et a pratiquement coupé en deux l'État en son centre. Les lignes de communication sont rompues entre la Pennsylvanie et l'océan Atlantique. Les voies ferrées détruites. Le service entre New York et Philadelphie interrompu. Les autoroutes du nord, du sud et de l'ouest sont bouchées en raison de l'exceptionnelle circulation. La police et l'armée de réserve s'avèrent incapables de maîtriser cette fuite insensée. Et à l'heure qu'il est, la loi martiale prévaut sur tout le New Jersey et l'est de la Pennsylvanie. Mais revenons maintenant à Washington pour un communiqué spécial de la Sécurité nationale. Écoutons le secrétaire de l'Intérieur, la déclaration du secrétaire de l'Intérieur en léger différé. Magnéto. Citoyennes, citoyens, je n'essaierai pas de cacher la gravité de la situation à laquelle notre pays doit faire face, ni l'inquiétude de votre gouvernement, dont le premier souci est de protéger la vie et les biens de la population. Toutefois, je tiens à vous demander instamment, et ceci s'adresse aux simples particuliers comme aux fonctionnaires de l'État, de garder votre calme et de n'agir qu'à bon escient. Heureusement, notre ennemi reste cantonné dans une zone relativement peu étendue. Et nous avons le ferme espoir que nos forces armées pourront l'y maintenir. Tout en plaçant notre confiance en Dieu, nous devons tous, et je dis bien tous, continuer à faire notre devoir quotidien, de sorte que cet ennemi destructeur se trouve face à une nation unie, courageuse, et qui consacre ses forces à préserver la suprématie de l'homme sur cette terre. Vous venez d'entendre le secrétaire de l'Intérieur qui prenait donc la parole depuis Washington. D'autres bulletins, trop nombreux pour être lus, s'amoncellent ici dans le studio. La plupart font l'hypothèse que l'ennemi sera bientôt renforcé par d'autres fusées. Aucune nouvelle du professeur Pearson malgré nos multiples tentatives. On nous rapporte aussi que 3 machines de Martiens ont été vues au-dessus des sommets des arbres se déplaçant au nord en direction de Somerville. La population s'enfuyant à leur approche. Mais nous venons d'établir, me dit-on, une liaison spéciale avec la ligne d'artillerie située dans les villages avoisinant la zone de progression de l'ennemi. Je vous propose donc de rejoindre tout d'abord la batterie de la 22e artillerie de campagne dans les Washtoo Mountains. Portée, 32 mètres. Amen. Lancement, 39 degrés. Feu. Changement de portée, 31 mètres. New Jersey, lieutenant Vogue. Les machines ennemies sont maintenant en vue. 6 machines au total. Une machine estropiée partiellement, probablement touchée par l'artillerie au sol. Un brouillard d'encre se répand sur terre. Un brouillard d'une extrême densité, de nature inconnue. L'ennemi bifurque vers l'est, vers les marais de Jersey. Manifestement, leur objectif est d'atteindre la ville de New York. Ils détruisent une station à haute tension. Nous sommes prêts à attaquer. Plus que 1000 mètres et nous serons sur la première machine. 800 mètres, 600 mètres, 400 mètres, 200 mètres. Et voilà, un bras géant se tend, un éclair vert. Il nous arrose de flammes. Nous sommes touchés, nous sommes touchés, nous perdons de l'altitude. 200 pieds, 150. Les commandes ne répondent plus, plus moyen de lâcher les bombes. Nous allons piquer sur les machines. Je répète, nous allons piquer sur les machines. Nous nous lançons sur la première. Nous nous lançons sur la première. Jersey appelle Langham Field. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. Ici Langham Field. Je vous écoute. 8 bombardiers de l'armée sont aux prises avec les machines ennemies au-dessus de la plaine de Jersey. Tous écrasés. Une machine ennemie détruite. L'ennemi projette maintenant une épaisse fumée noire en direction de... Newark, New Jersey. Ici Newark, New Jersey. Attention. Une fumée noire empoisonnée se propage depuis les marais de Jersey. Regagnez la route du sud. Les masques à gaz sont inefficaces. Enjoignez la population de gagner les espaces libres. Les voitures d'emprunter les routes 7, 23, 24. Évitez les bandes encombrées. La fumée gagne maintenant le boulevard Raymond. 2X2L, appelle CQ. 2X2L, appelle CQ. 2X2L, appelle 8X3R. Répondez, s'il vous plaît. Ici 8X3R. Répondons à 2X2L. Me recevez-vous? Me recevez-vous? Répondez, s'il vous plaît. Où êtes-vous, 8X3R? Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Est-ce que quelqu'un me reçoit? New York. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle depuis le toit de la maison de la radio de la ville de New York. Les cloches que vous entendez sonnent pour inciter la population à évacuer la ville à l'approche des Martiens. On estime que durant les dernières heures, 3 millions de personnes se sont enfuies par la route en direction du nord. Seule la route touristique de la rivière Hutchinson reste ouverte à la circulation. Évitez d'emprunter les ponts de Long Island, complètement bloqués. Toutes les communications avec la côte de Jersey sont interrompues depuis 10 minutes. Plus de défense. Notre armée est anéantie. L'artillerie, l'armée de l'air, tout est anéanti. C'est sans doute la dernière émission de radio. Nous resterons ici, jusqu'à la fin. Nous assistons en dessous de nous à un office dans la cathédrale. Et j'aperçois en bas le port où toutes sortes de bateaux surchargés de personnes en fuite s'éloignent des quais. Les rues sont bondées. La ville est aussi bruyante qu'un premier de l'an. Attendez un instant. L'ennemi est maintenant en vue au-dessus de Brooklyn. 5 machines énormes. La première traverse la rivière, je la vois d'ici, franchissant l'Hudson comme un homme en jambe à ruisseau. Elle s'immobilise, semblant considérer la ville. Une cuirasse coiffe sa tête qui est au niveau des gratte-ciel. Elle attend les autres cylindres. Elles se dressent comme de nouvelles tours sur le côté ouest de la ville. Elles étendent maintenant leurs mains de métal. De la fumée s'en échappe, une fumée noire se répand sur toute la ville. Les gens dans la rue l'aperçoivent maintenant. Ils se précipitent vers l'est. Des milliers d'entre eux tombent comme des rats. La fumée se répand de plus en plus vite. Elle atteint Times Square. Les gens essaient de s'échapper, mais ça ne sert à rien. La fumée traverse la 6e avenue, la 5e, la 4e, la 3e. La démocratie est morte, la barbarie triomphe. Adieu, adieu la liberté, adieu l'Amérique. 2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ New York. Isn't there anyone on the air? Isn't there anyone? Quatrième jour. Je suis obsédé par l'idée que je suis peut-être le dernier homme vivant sur Terre. Je hante une maison vide, coupée du reste du monde par la fumée noire. Tout ce qui s'est passé avant l'arrivée sur Terre de ces monstrueuses créatures semble maintenant faire partie d'une autre vie. Une vie sans aucun rapport avec le présent, sans aucun rapport avec mon existence. Pitoyable de rescapé solitaire qui enregistre ses mots par-dessus d'autres, effaçant peu à peu de cette cassette les considérations astronomiques tellement vaines aujourd'hui, d'un certain Richard Pearson. Je regarde mes mains noircies, mes chaussures trouées, mes vêtements déchirés, et j'essaie de relier ça au professeur de Princeton qui, la nuit du 30 octobre, aperçut dans son télescope une tache de lumière bleue sur une lointaine planète rouge. Ma femme, mes collègues, mes étudiants, mes livres, mon observatoire, mon monde, où sont-ils? Ont-ils jamais existé? Suis-je vraiment Richard Pearson? Quel jour sommes-nous? Les jours existent-ils encore, sans calendrier? Les heures passe-t-elle encore quand il n'y a plus d'horloge? Soixante-cinquième jour. En prononçant ces phrases, je me dis que je sauvegarde peut-être un des derniers filaments de l'histoire humaine. Mais pour continuer à parler, je dois vivre. Pour vivre, je dois manger. Et mes forces diminuent. J'ai ouvert avant-hier la dernière boîte de conserve. Je ne cesse de regarder par la fenêtre, mais la fumée maintient continuellement la maison sous son voile noir. Et je redoute de mourir de faim, terré ici. J'entends quelque chose. Au loin, quelque chose qui s'approche. Soixante-septième jour. Hier, j'ai soudain perçu comme un sifflement, d'abord presque rien, puis de plus en plus net. J'ai plongé dans un coin, puis n'y tenant plus, j'ai rampé vers la fenêtre et jeté un coup d'œil à l'extérieur. Une de ces énormes machines approchait, balayant la fumée grâce à une sorte de jet de vapeur. Recroquevillé de terreur, j'ai presque senti ces énormes pieds de métal frôler la maison, et tout à coup s'arrêter, comme à la recherche de quelque chose. Quelque chose de comestible, peut-être. Ou quelqu'un. Quelqu'un de comestible. Enfin, elle s'est éloignée. Exténué de peur, je me suis endormi et ne me suis réveillé qu'au matin. Le soleil perçait à travers la fenêtre. Enfin, le nuage de gaz noir avait disparu. Je me suis hasardé à sortir de la maison. J'ai marché jusqu'à une route. Ici et là, des épaves de voitures, des bagages éventrés, un squelette calciné. J'ai continué vers le nord. Je me tiens prêt à me plaquer au sol, au cas où une machine apparaîtrait au-dessus des arbres. Car j'ai vu le repas des Martiens. Je continue vers le nord. Soixante-neuvième jour, j'aperçois enfin une créature vivante. C'est un écureuil. C'est un petit écureuil roux perché dans un arbre. Il me regarde comme je le regarde. Je pense que l'animal et moi, Nous partageons la même émotion, celle de rencontrer enfin un autre être vivant. Même si, pour ma part, je salive en le regardant. Ce qui n'est sûrement pas son cas. Je poursuis ma route vers le nord. Septième jour, après avoir longé à n'en plus finir des champs entièrement jaunis, avec de loin en loin un falais, une vache morte, je suis entré aujourd'hui dans une ville. Ses contours sont vaguement familiers, quoique ses bâtiments soient étrangement enfoncés et aplatis. Toute la ville semble me regarder avec des yeux de spectre. Je pars. D'ailleurs... Tu viens d'où ? De plusieurs endroits. Au début, il y a longtemps, de Princeton. Princeton ? C'est près de Grover's Mill ? Ouais. Grover's Mill. Il y a plus de nourriture là-bas ? Non. Ici, c'est chez moi, d'accord ? De la fin de la ville jusqu'en bas de la rivière, il y a à manger pour une seule personne, t'as compris ? Ouais. Attends, bouge pas, tu vas où là ? De quel côté tu vas là ? Je sais pas, je cherche des gens. Qu'est-ce que c'était ? T'as entendu ? Aucune idée, un oiseau ? Un oiseau ? Allez, viens ! Viens, prends-toi ! T'es en sécurité ici. Ils te trouveront pas. Si tu veux du champagne, t'en prends. Ah ouais. D'accord. Tu sais, ils sont installés pour de bon. Ces cylindres, je suis sûr qu'ils l'entendent bien quelque part toutes les nuits. Ils ont seulement perdu une machine. Une. Tu rencontres une seule. On n'a rien pu faire. Nous avons perdu tous les fichiers. Vous portez un uniforme, vous étiez militaire. Peu importe. Il n'y a pas eu de guerre, de toute façon. Hein, pas plus qu'il y a de guerre entre les hommes et les fourmis. Nous sommes battus. En ce moment même, on peut même se considérer comme des prisonniers. Tu vois, un de ces sales reptiles a quelques kilomètres à faire pour trouver une foule en fuite. Ils vont nous attraper, là, systématiquement, là. Conservant les meilleurs, on les mettait dans des cages. C'est nous, les fourmis. Et ça, c'est qu'un début. C'est quelqu'un d'autre. Tout ce qui est arrivé jusqu'ici, c'est parce que nous n'avons pas eu l'esprit de nous tenir tranquilles. Ça, non, non, hein ! Il a fallu qu'on monte nos muscles. Hein ? Il a fallu qu'on les attaque avec nos canons. La rigolade. C'était tellement dérisoire, hein, face à leurs machines. Les hommes sont bêtes. Le résultat, c'est qu'on a perdu notre tête et qu'on a fui comme des moutons. Mais maintenant, au lieu de continuer de fuir, nous devons nous fixer et essayer de nous adapter. Tu vois, les villes, les nations, la civilisation, le progrès, tout ça, c'est fini ! Nous sommes battus ! Alors oublie tout ce que tu sais. Hé, oh ! Oublie tout ce que tu sais. Pendant 1 million d'années, il n'y aura plus de concerts, hein ? Plus de petits dîners au restaurant. Si c'est de l'amusement que tu veux, je crains que la partie soit perdue. Mais qu'est-ce qu'il nous reste ? Vivre ! Voilà ce qu'il nous reste, vivre ! Moi, je veux vivre, toi aussi ? Nous ne serons pas tous exterminés. J'ai pas l'intention non plus de me laisser prendre pour être apprivoisé, nourri et engraissé comme une oie. Enfin, mais comment voulez-vous résister ? Écoute, j'ai un plan. En tant qu'individu, nous sommes foutus. Hein. Nous ne savons rien d'eux. Nous avons tout à apprendre. Mais pour ça, il faut vivre et rester libre. J'ai réfléchi à tout. Ouais. Nous ne sommes pas tous destinés à devenir du bétail. Hein. Pas comme tous ces petits employés qui habitaient dans ces maisons. Tous ceux-là ne sont bons à rien. Ils n'ont rien dans le ventre. Ils sont juste bons à travailler. Tu sais, avant l'arrivée des Martiens, moi j'en ai vu des centaines. Hein, s'essoufflant à courir pour prendre leur train le matin avec la peur d'être envoyés s'ils arrivaient en retard. Et ils couraient le soir avec la même crainte d'être en retard pour le dîner. Ils passaient leur existence boursouflés d'assurance-vie et de compte épargne. Des gens gras, des gens stupides. Et comme ça suffit pas, le dimanche, ils couraient dans les églises parce qu'ils avaient la peur au ventre de l'autre là. Tu veux que je te dise? Pour ces gens-là, les martiens, c'est une bénédiction. Une bénédiction? Oui, parfaitement une bénédiction. Là, des jolies cages, spacieuses, de la bouffe à volonté, et au diable les soucis. Là, tu verras, après une semaine ou deux à se planquer dans les champs, ils viendront le ventre vide et supplieront qu'on les prenne. Je vois que vous avez pensé à tout. Bah ouais, tu penses bien que oui. Mais c'est pas tout. Parce que ces martiens, ils auront des préférés parmi tous ces crétins. Ils leur enseigneront à faire des tours et qui sait, peut-être même qu'ils feront du sentiment hein, sur le sort d'un pauvre enfant gâté qu'il aura fallu tuer. Eh, ils en resteront certains pour nous chasser. Non, c'est pas possible, aucun être humain... Si, c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y en a même qui le feront avec plaisir. Ils attendaient ça depuis longtemps, avant même que les martiens. Mais t'inquiète pas, hein, s'ils s'en prennent à moi, je saurais me défendre. En attendant, vous, moi, les autres, peut-être les autres, comme nous, où est-ce qu'on peut vivre? J'ai pensé à tout. Sans sécurité nulle part. J'ai pensé à tout, nous vivrons sous terre comme des fourmis. J'ai pensé aux égouts. Sous New York, il y en a des kilomètres. Il y a aussi les caves, les magasins souterrains, les tunnels de chemin de fer, le métro. Ça y est, tu commences à y voir clair. Nous formerons une caste d'hommes forts, à mort les faibles. Vous voulez que moi, j'en fasse partie? Ouais. Je te donne ta chance. Ça fait longtemps que je t'observe. Je t'ai suivi pendant plusieurs jours. T'es de la race des conquérants. C'est à voir. Ouais. Après, nous devons nous installer en toute discrétion. Il nous faudra des femmes vigoureuses et intelligentes, des mères, des éducatrices. Il ne faut pas des incapables ou des imbéciles. Non, non, non. La vie est redevenue réelle et les inutiles disparaîtront. Ils devront mourir. Oui, parfaitement. Ils devront mourir de bonne volonté. Après tout, il y a une sorte de déloyauté à s'obstiner à vivre pour gâter la race. D'ailleurs, à mourir, c'est pas si terrible. C'est la peur qui rend la chose redoutable. Ensuite, nous nous rassemblerons. Nous réunirons tous les livres que nous pourrons, des livres scientifiques. Parce qu'il faudra étendre notre connaissance. Nous observerons les martiens. Tu sais, il nous reste peut-être pas tant que ça à apprendre. Tiens, imagine, 4 ou 5 de leurs machines, là, qui se mettent en marche, là, tout à coup, bam, un coup de rayon thermique par-ci, bam, bam, un autre par-là, hein. Et dans la machine, pas un martien, mais un homme. Eh ouais, un homme qu'on aura appris à la piloter. Et on verra peut-être même ça de notre vivant. Tiens, toi, imagine-toi, toi, par exemple, toi, tu pourrais la piloter, bam, hein, ouais, toi, un petit coup de rayon par-ci, bam, hein, on se servira de leurs machines contre les martiens. Et contre les hommes, nous mettrons le monde à nos pieds. C'est ça votre plan? Toi, moi, quelques autres. Nous serons les maîtres du monde. Ouais, je vois. Quoi? Qu'est-ce que tu vois? Quoi? Oh! Hé, tu vas où là? Hé, tu vas où? Reviens! Hé, oh! Un autre jour. Je suis enfin parvenu au tunnel Holland. J'ai traversé cet interminable boyau sous-marin dans un silence étouffant, une obscurité totale, mais j'ai fini par atteindre son extrémité et je suis entré dans Manhattan. J'ai passé Canal Street, la 14e rue, au milieu des cadavres et de la puanteur et partout, partout cette poudre noire. J'ai passé la 30e, puis la 40e, et me voici, seul, dans Times Square. J'ai vu un chien tout à l'heure qui dévalait la 7e avenue tenant dans sa gueule un morceau de viande putréfiée poursuivi par une meute de roquets affamés. Une idée insensée m'a traversé l'esprit et m'obsède. Si seulement elle m'est venue en contemplant de loin une nuée de mer la tournoyant dans le ciel au-dessus d'une machine martienne immobile plantée dans Central Park. J'ai couru jusqu'au parc, j'ai gravi une petite colline au-dessus de l'étang de la 60e. Et d'ici, là, maintenant, plaqué au sol, je vois rangé silencieusement le long de la promenade. J'en vois 10, non, au 20, 30, 40. Quand une armée de ces monstres métalliques, ils sont comme des armures vides, leurs bras sont inertes, ils pendent de chaque côté, ils sont inanimés, ils sont sans vie. Alors, où sont les passagers? Il n'y a pas de trace des passagers. Oh, mais je vois les merles, mais je vois des milliers de merles, oh, mais je vois une multitude de merles. mercredi 18 mars, un an plus tard. Alors ce jour-là, je vis soudain une multitude de merles piquées au sol, et là, devant mes yeux, étendus sans vie, les martiens, que les oiseaux déchiquetaient à coups de bec en lambeaux, flasques et brins. Plus tard, quand leurs corps furent examinés en laboratoire, il fut prouvé que leur mort résultait de maladies bactériennes, contre lesquelles leurs organismes n'étaient pas préparés. Après que tous les moyens de défense humains eurent échoué, ils avaient été détruits par les êtres les plus humbles que la divinité, dans sa sagesse, ait mis sur la terre. Il se peut que la défaite des martiens ne soit qu'un court répit. C'est peut-être à eux et non à nous que l'avenir appartient. En tout cas, ces événements nous obligent à modifier grandement nos vues sur les destinées humaines. Nous avons appris à ne plus considérer notre planète comme une demeure sûre et inviolable. Il est possible que dans le plan général de l'univers, cette invasion ne soit pas pour l'homme sans utilité. Elle nous a enlevé la confiance aveugle en l'avenir, qui est la source la plus sûre de la décadence. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était La guerre des mondes d'Orson Welles. Scénario de l'émission d'Howard Koch d'après H.G. Wells. Enregistré en public lundi 21 septembre 2015 au Studio 105. Avec Olivier Broche, Emmanuel Matt, Vladislav Gallard, Maëlia Gentil, Andrea Brusque. Et les voix de Elissa Aloula, Eddy Zada, Pauline Ziadé, Antoine Berry-Roger, Clément Bresson, Guillaume Marquet, Philippe Ciboulet. Composition et direction musicale, Quentin Sirjac. Percussion et synthétiseur modulaire, Anthony Capelli. Saxophone, Johan Durand. Piano, clavier, percussion, Quentin Sirjac. Et le quatuor, Ellipse. Premier violon, Lyodo Kaneko. Second violon, Jungen Ko. Alto, Alan Swinton. Violoncelle, Florent Carrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Équipe technique, Bruno Mourlan, Martin Delafosse, Nicolas Slimani, Jean-Benoît Tétu, Emma Duprat-Guyet. Lumière, Gérard Savary et Julien Missen. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Une émission réalisée par Alexandre Planck. La guerre des mondes d'Orson Welles, traduction intégrale de l'américain par Dominique Aurelou-Bellon, est publiée chez Fornurgia Nova Éditions.